يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 1, dictée 5, écris la lettre que tu entends, de manière isolée. Première lettre. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Deuxième lettre. Alif. Alif. Alif. Alif. Alif. Troisième lettre. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.